Radiomatique. C'est sur la musique du projet Fetish Park que s'ouvrait la transmission 429 d'Audiomatique avec la pièce Malaysia Hotel de l'album Alluvial, paru en 1997. Sans attendre, poursuivons maintenant avec le projet Suba. Azul, eu sei do que você gosta. Suor, eu sei que você gosta. O mar, eu sei que você gosta. Amar, você gosta de mim. Mesmo assim, você gosta de mim. Você gosta que eu te cubra de gosto. Você tem YouTube. Chuva, vento, lua, sombra de sombra. Gosta de mim. Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter la formation Noise Unit menée par Bill Leeb. La pièce que nous avons entendue intitulée Still Alive est tirée du plus récent album Chiba City Blues, dont l'origine remonte à quelques années, puisqu'il s'agit de compositions réalisées par Bill Leeb et Feu Jeremy Inkle, décédé en 2018. Les pièces ont été peaufinées par Bill Leeb pour mener à la publication de Chiba City Blues en 2022. Avant Noise Unit, c'était le duo Future Sound of London et la pièce Ritualized, apparaissant sur l'album intitulé Rituals E7.001, le premier d'une trilogie marquant la septième partie de la série Environments. Notons que l'album Rituals E7.001 a été publié en 2022. Et on amorçait la séquence avec le projet Suba, mené par le défunt artiste serbe Mitar Subotic, qui a composé l'album Sao Paulo Confessions depuis sa terre d'accueil brésilienne. De cet album paru en 1999, nous avons écouté la pièce Voce Gosta, sur laquelle on peut entendre la chanteuse brésilienne Tassiana Barros. Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe québécois Handful of Snowdrops. Audiomatic, c'était le projet britannique Recoil, mené par Alan Walder, ex-membre de Depeche Mode. Du sixième album studio de Recoil, lancé en 2007 et intitulé Subhuman, on entendait la chanson Alléluia. Précédemment à Recoil, il s'agissait du groupe canadien Perfume Tree, qui était originaire de Vancouver et qui a existé de 1991 à 2000. Du troisième album de Perfume Tree, intitulé The Sun's Running Out, sorti en 1994, nous vous avons offert la pièce Violet Shift. Et pour débuter cette séquence musicale, c'était la formation québécoise Handful of Snowdrops qui nous interprétait la pièce-titre de leur premier album Land of the Damned, lancé en 1988. C'est le projet russe Scantec, mené par l'artiste Vladislav Isaev, qui mettra un terme à cette transmission 429 d'Audiomatic de son album Unit. Nous allons entendre la pièce Parsec. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic/CFOU si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Scantec et la pièce Parsec. C'était Audiomatic avec les sonoristes.